Deuxième chapitre. Comment Gunther invita Siegfried à une fête. La femme de Gunther pensait toujours en elle-même. Pourquoi Dame Grimhild porte-t-elle si haut la tête? Siegfried, son époux, n'est-il pas notre homme liege? Depuis longtemps, il n'est pas venu nous servir. Voilà ce qu'elle portait dans son cœur, et elle gardait le silence. Ce lui était une grande peine qu'il lui restasse ainsi étranger. Elle aurait voulu savoir pourquoi les hommes du Nederland lui rendaient si rarement hommage. Elle voulut demander au roi s'il ne serait pas possible qu'elle revît encore Kriemhild. Elle lui parla secrètement de ce qu'elle avait dans le cœur. Ce discours plut médiocrement au prince. « Comment ? » dit le puissant roi. « Les ferions-nous venir jusqu'en ce pays ? Cela serait impossible. Ils règnent trop loin d'ici. Je n'oserais point les inviter à venir. » La dame lui répondit avec hauteur. « Quand l'homme du roi serait encore plus riche et plus fier, il devrait exécuter ce que son maître lui ordonne. » Gunther sourit pendant qu'elle parlait. Quand il voyait Siegfried, il ne songeait guère à réclamer de lui son service. Elle reprit. « Cher seigneur, pour m'obliger, aide-moi à faire venir ici Siegfried et ta sœur, afin que je les voie encore une fois. En vérité, rien ne me serait plus agréable. » Comme il m'est doux de penser aux vertus de ta sœur, à son cœur si haut placé, quand nous étions assises côte à côte au temps où je devins ta femme, elle peut avec raison aimer le beau Siegfried. Elle le pria si longtemps qu'enfin le roi répondit. Tu sais que je ne verrai nul hôte avec plus de plaisir. Tu ne dois point me supplier davantage. J'enverrai vers eux mes messagers afin qu'ils se rendent ici au bord du Rhin. Alors la reine dit. « Fais-moi connaître qui tu veux leur envoyer et en combien de jours nos amis si chers arriveront dans le pays, que je sache quels sont les messagers que tu vas expédier. »« Je le ferai, » dit le prince, « j'y enverrai 30 de mes hommes. » Puis il les manda devant lui et leur ordonna de porter son message au pays de Siegfried. De joie, Brunhild leur donna plusieurs magnifiques vêtements. Le roi parla. « Guerrier, vous direz en mon nom que j'invite le fort Siegfried et ma sœur à se rendre ici. » Ajoutez que nul au monde ne m'est plus cher qu'eux. Engagez-les à se rendre tous deux ici au bord du Rhin. Ma femme et moi leur en serons éternellement reconnaissants. Avant le prochain solstice d'été, lui et ses hommes verront ici bien des gens prêts à lui faire grand honneur. Portez aussi mon hommage au roi Siegmund et dites-lui que moi et mes fidèles, nous lui sommes toujours dévoués. Dites aussi à ma sœur qu'elle ne laisse point de chevaucher vers ses amis. Jamais faite ne sera plus digne d'elle. Brunhild, Wotte et tout ce qu'il y avait de dames envoyèrent leurs salutations à maintes femmes aimables et à maints vaillants guerriers du pays de Siegfried. Les messagers partirent, emportant les paroles du roi. Ils étaient équipés pour le voyage et avaient reçu chevaux et vêtements. Ils sortirent du pays et se hâtèrent d'arriver au but de leur course. Le roi les avait fait accompagner par une bonne escorte. En 3 semaines, ils parvinrent chevauchant au pays où ils étaient envoyés. Ils trouvèrent le héros en la marche de Norvège, au bourg de Nibelung. Chevaux et gens étaient fatigués du long chemin. On vint dire à Siegfried et à Kriemhild que des cavaliers étaient arrivés, qui portaient des vêtements comme on a coutume d'en porter chez les Burgondes. La reine sauta du lit où elle reposait. Elle ordonna à une de ses suivantes d'aller à la fenêtre, d'où elle vit le brave Guerre au milieu de la cour, suivi de ses compagnons envoyés avec lui. Quelle douce nouvelle après si longue peine de cœur! Elle dit au roi, « Voyez-vous ceux qui sont arrivés dans la cour avec le brave Guerre? Ils nous sont envoyés par mon frère Gunther des bords du Rhin. » Le fort Siegfried répondit, « Qu'ils soient les bienvenus. » Tous les serviteurs accoururent là où l'on voyait les étrangers. Chacun de son côté dit au messager les choses amicales, les plus gracieuses qu'il put trouver. Le seigneur Siegmund était bien joyeux de leur venue. On donna des logements à Guerre et à ses hommes, et on prit soin des chevaux. Puis les messagers se rendirent à l'endroit où siégeait Siegfried et Kriemhild. Ils le firent ainsi parce qu'on les invita à entrer au palais. Le roi et sa femme se levèrent aussitôt. Guerre du pays des Burgondes et ses compagnons d'armes, les hommes de Gunther, furent tous bien reçus. On pria Guerre, le très riche, d'aller occuper un siège. « Permettez-nous, avant d'aller nous asseoir, de vous délivrer notre message. Il convient que nous, étrangers, nous restions debout malgré la fatigue du chemin. Nous vous dirons ce dont nous ont chargé Gunther et Brunhild, qui vivent avec grande splendeur, et aussi Dame Watt, votre mère. Le jeune Giselher, le seigneur Gernot et vos parents les plus dévoués nous ont envoyés ici, et du fond du pays des Burgondes, ils vous offrent leur service. Que Dieu les récompense, dit Siegfried. J'ai toute confiance en leur affection et fidélité, comme en celle d'un ami. Ainsi fait aussi leur sœur. Maintenant, dites-nous comment se passe la noble existence de nos amis. Depuis que nous les avons quittés, a-t-on molesté nos braves parents? Voilà ce qu'il faut me faire savoir. Je les aiderai toujours avec fidélité à repousser toute attaque, et leurs ennemis gémiront des exploits que j'accomplirai. Le margrave Guerre, un bon chevalier, parla ainsi. Ils vivent en toute vertu, gloire et honneur. Ils vous invitent à une fête au bord du Rhin. N'en doutez point, ils vous verront avec bien grand plaisir. Et ils prient votre femme de vous accompagner quand l'hiver aura pris fin. Ils désirent vous voir avant le prochain solstice d'été. Le fort Siegfried dit « Cela se fera difficilement. » Mais Guerre, du pays des Burgondes, reprit. « Votre mère, Watt, Gernot et Giselher, vous font prier de ne point refuser. » Je les entends chaque jour déplorer que vous viviez si loin d'eux. » Cette nouvelle fit grand plaisir à la belle Kriemhild. Guerre était son parent. Le roi le fit asseoir, puis sans tarder on versa le vin aux hôtes. Voici venir Siegmund qui avait aperçu les messagers. Le vieux roi parla amicalement aux Burgondes. « Guerriers, hommes de Gunther, soyez les bienvenus. Depuis que mon fils Siegfried a obtenu Kriemhild pour femme, on aurait dû vous voir plus souvent en ce pays afin d'établir l'amitié entre nous. » Ils répondirent que, s'ils le voulaient, ils viendraient volontiers et que le plaisir ferait oublier bien des fatigues. On fit asseoir les messagers et on leur apporta de la nourriture. Siegfried fit donner à ses hôtes des mets en abondance. Il leur fallut rester là 9 jours pleins. Enfin, les guerriers rapides se plaignirent qu'ils ne pourraient plus retourner jusqu'en leur pays. Le roi Siegfried avait envoyé quérir ses amis. Il leur demanda conseil. Devait-il se rendre au bord du Rhin? Gunther, qui est mon ami, et ses parents, me font convier à une fête. Je m'y rendrais très volontiers si ces terres n'étaient pas si loin. Ils prient aussi Kriemhild de m'accompagner. Maintenant, conseillez-moi, mes fidèles, comment arriver jusque-là? Quand je devrais conduire une armée à travers 30 pays, la main de Siegfried servira bien Gunther jusqu'au bout. Ces guerriers répondirent « Si vous avez l'intention de faire le voyage pour assister à cette fête, voici ce que, suivant nous, il vous faudra faire. Vous prendrez 1000 guerriers pour chevaucher avec vous vers le Rhin, afin que vous paraissiez avec honneur parmi les Burgondes. » Le seigneur Siegmund des Niederlanden prit la parole. « Si vous vous rendez à la fête, faites-le-moi savoir. Je conduirai 100 épées qui augmenteront votre troupe. » « Mon père, chéri, répondit Siegfried le Hardi, si vous voulez chevaucher avec nous, j'en serai très joyeux. D'ici en 12 jours, je sortirai du pays. » On donna chevaux et vêtements à tous ceux qui en désiraient. Le noble roi ayant l'intention de faire le voyage, on renvoya les guerriers rapides et valeureux. Par eux, il fit dire aux parents de sa femme qu'ils se rendraient bien volontiers à la fête. Siegfried et Kriemhild, ainsi l'avons-nous entendu dire, firent tant de présents aux messagers que leurs chevaux ne purent tout emporter dans leur pays. C'était un homme si riche. Joyeux, ils conduisaient devant eux leurs bêtes de somme. Siegfried et aussi Siegmund habillèrent leurs hommes, et Kvart, le comte, fit chercher les plus beaux vêtements de femme qu'on puisse procurer dans toutes les terres de Siegfried. On commença de préparer les selles et les boucliers. Aux chevaliers et aux dames qui devaient l'accompagner, on donna ce qu'ils voulurent afin que rien ne leur manquât. Ils désiraient amener à ses amis mains hautes de grandes lignées. Les messagers se hâtèrent par les chemins afin de rentrer dans leur patrie. Guerre, la bonne épée, arrivée au pays Burgonde, y fut parfaitement reçue. De leurs chevaux et de leurs haquenets, tous descendirent devant la salle de Gunther. Jeunes et vieux accoururent comme on fait pour demander des nouvelles. Le bon chevalier leur dit « Ce que je vais dire au roi, vous l'entendrez à l'instant. » Il se rendit avec ses compagnons là où se trouvait Gunther. De joie, le roi sauta de son siège. Brunhild la Belle leur fut bien reconnaissante de leur prompt retour. Gunther dit au messager : Comment se porte Siegfried, dont j'ai reçu tant de marques d'affection ? Le brave Gerre répondit : Il a rougi de plaisir, lui et votre sœur aussi. Jamais nul homme n'envoya à ses amis d'aussi bonnes paroles que ne le font à vous le seigneur Siegfried et son père. La femme du riche seigneur interrogea le margrave : Dites-moi, Kriemhild vient-elle aussi ? Son beau corps a-t-il conservé ce charme qui fascinait ? Certainement, elle vient, répondit Gerre la bonne épée. Wat pria les messagers de se rendre aussitôt devant elle. On aurait bien pu deviner, sans attendre ses questions, ce qu'elle désirait savoir. Kriemhild était-elle en bonne santé ? Comment l'avait-il trouvée ? Et viendrait-elle bientôt ? Ils ne cachèrent pas au palais tous les présents qu'ils avaient reçus du chef Siegfried. Ils firent revoir l'or et les vêtements aux hommes des trois princes. On donna de grandes louanges à la générosité du héros. « Pour lui, dit Hagener, donner est chose facile. Quand il vivrait éternellement, il ne pourrait tout dissiper. Sa main tient enfermé le trésor des Nibelungen. Ah, puisse ce trésor venir un jour au pays des Burgondes !» Toute la suite se réjouit de ce que les étrangers allaient arriver. Matin et soir, les hommes des trois princes étaient sans cesse en activité. On commença de préparer main siège de seigneur. Hunolt le hardi et Zindolt la bonne épée avaient grande besogne. Comme ils étaient l'un écuyer tranchant et l'autre échanson, ils dressèrent plus d'un banc. Ortwin leur vint en aide. Gunther leur en était reconnaissant. Comme Rumolt, le chef des cuisines, dirigeait bien ceux qu'il avait sous ses ordres. Que de larges chaudrons, que de casseroles et que de vases on voyait réunis. Il fallait préparer les vivres pour ceux qui allaient venir dans le pays. L'ouvrage des femmes n'était pas moindre, car elles apprêtaient les vêtements. Les nobles pierreries travaillées dans de l'or jetaient au loin leur éclat, et quand elles s'emparaient, chacun les regardait avec complaisance.